Deuxième livre des Chroniques, chapitre 14. Puis Abija s'endormit avec ses pères, et on l'ensevelit dans la cité de David, et Asa son fils régna en sa place. De son temps le pays fut en repos durant 10 ans. Or Asa fit ce qui est bon et droit devant l'Éternel son Dieu. Car il ôta les autels des dieux des étrangers, et les hauts lieux, et brisa les statues, et coupa les bocages. Et il commanda à Juda de rechercher l'Éternel le Dieu de leur père, et d'observer la loi et les commandements. Et il ôta aussi de toutes les villes de Juda, les hauts lieux et les tabernacles, et le royaume fut en repos sous sa conduite. Il bâtit aussi des villes fortes en Juda, parce que le pays était en repos, et pendant ces années-là il n'y eut point de guerre contre lui, parce que l'Éternel lui donnait du repos. Car il dit à Juda, bâtissons ces villes, et entourons-les de murailles, de tours, de portes, et de barres, pendant que nous sommes maîtres du pays, parce que nous avons invoqué l'Éternel notre Dieu, nous l'avons invoqué, et il nous a donné du repos tout alentour, c'est pourquoi ils bâtirent, et prospérèrent. Or Asa avait en son armée 300 000 hommes de ceux de Juda, portant le bouclier et la javeline, et 280 000 de ceux de Benjamin, portant le bouclier, et tirant de l'arc, tout fort et vaillant. Et Zoraphéthiopien sortait contre eux, avec une armée 1 000 000 d'hommes, et de 300 chariots, et il vint jusqu'à Maréza. Et Asa alla au-devant de lui, et on rangea la bataille en la vallée de Tsephat, près de Maréza. Alors Asa cria à l'Éternel son Dieu, et dit, « Éternel, il ne t'est pas plus difficile d'aider celui qui n'a point de force, que celui qui a des gens en grand nombre. Aide-nous, ô Éternel notre Dieu, car nous nous sommes appuyés sur toi, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Tu es l'Éternel notre Dieu, que l'homme n'ait point de force contre toi. » Et l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, en sorte que les Éthiopiens s'enfuirent. Et Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et il tomba tant d'Éthiopiens, qu'ils n'eurent plus aucune force, car ils furent défaits devant l'Éternel, et devant son armée, et on en rapporta un fort grand butin. Ils frappèrent aussi toutes les villes qui étaient autour de Guérar, parce que la terreur de l'Éternel était sur eux, et ils pillèrent toutes ces villes, car il y avait dans ces villes de quoi faire un grand butin. Ils abattirent aussi les tentes des troupeaux, et emmenèrent quantité de brebis et de chameaux, après quoi ils s'en retournèrent à Jérusalem.